va commencer. Donc le titre général du séminaire cette année, c'est « À quoi reconnaît-on une psychose ?» Alors, je vais présenter le problème que je vais traiter cette année, ce soir, avec le programme et puis des petites choses plus rigolotes ou plus tristes, je ne sais pas, à la fin. C'est pas un séminaire clinique ou un séminaire casuistique que j'ai préparé. C'est pas quelque chose sur les psychoses méconnues, sur ce qu'on croit être des psychoses et qui n'en sont pas, ou ce qu'on croit ne pas être des psychoses mais qui en sont quand même. Ma question ne va pas traiter ou alors marginalement et incidemment des questions de casuistique. Ça va pas non plus être un critère, une analyse de critères, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a des critères de la psychose qui la distinguerait, je ne sais pas, de la névrose, de la perversion, du borderline, etc. C'est un séminaire sur les conditions de la clinique des psychoses. En fonction du travail que je fais régulièrement chaque année, et qui maintenant, y a des choses que j'ai écrites, qu'on peut voir à quoi ça ressemble, qui est une articulation donc de deux choses, hein, bien particulières. D'un côté, une étude de type historique, anthropologique, hein, qui cherche à mettre en évidence un certain nombre de régularités, de choses que j'appelle, comme plein de monde d'ailleurs, si je n'ai pas le monopole de la chose, une grammaire, avec des régularités factuelles, des évidences d'arrière-plan et aussi des concepts, hein, des manières dont les gens se servent du langage, d'une certaine manière, des différentes époques de l'histoire, dans la mesure où ça intéresse évidemment la psychanalyse ou l'histoire de la psychiatrie. Et puis, le même dispositif qui met en évidence toutes ces catégories abstraites, ces régularités d'arrière-plan, etc., et traité sous un autre jour, sous un autre angle, d'une autre manière, comme une question extrêmement pratique et concrète, hein, que j'appelais les années précédentes, la question de savoir comment s'appareiller psychiquement, en sorte que ce qu'on est en train de manipuler et qui pourrait comme ça avoir un usage ou une apparence strictement, par exemple, philosophique ou historique, fasse effectivement partie de ces pensées dont on s'équipe et de ces manières d'être affectées dont on s'équipe dans le travail analytique. Et cet appareil psychique, n'est-ce pas, exactement au sens où j'en ai parlé pour Bion, hein, dans les années précédentes, en soulignant beaucoup combien chez Bion c'était étroitement lié à la façon dont il avait fait l'histoire, c'était lié notamment à sa formation d'historien à Oxford, imprégnant sa théorie des groupes et des choses de ce genre, et à sa conception selon laquelle, n'est-ce pas, on va du groupe et donc du social à l'analyse et non de l'analyse au social, hein, la cure est un groupe à deux, hein, comme il le dit. Comment chez Bion, il y a la mise en évidence là-dedans d'un appareil abstrait, formel, alors par exemple la grille, qui est un moyen de traiter, de construire un appareil psychique qui intègre, organise, structure d'une certaine manière ses pensées. Comme vous le savez, la notion d'appareil psychique, et j'avais fait aussi, je rappelle des choses que j'ai fait les années d'avant, mais c'est pour situer un peu ce que je vais faire cette année dans la perspective de ce que je fais depuis plusieurs années. Le maître concept de Bion, c'est celui de transformation. C'est-à-dire, la question est de savoir comment l'appareil psychique se transforme et est transformé en même temps par les pensées qu'il a à penser et par le fait qu'il pense ces pensées, qu'il les rend pensantes. Au sens où, je rappelle, de la fameuse formule selon laquelle une analyse consiste à se fabriquer une machine à penser ses pensées. Et bien sûr, ces transformations sont étroitement liées à la façon dont on s'appareille les uns aux autres dans la cure, et évidemment avec une plasticité tout à fait considérable. Alors, si je me sers souvent de cette idée étendue ou élargie d'appareil psychique en passant par Bion, c'est parce que ça permet de tenir quelque chose comme un entre-deux bien spécifique entre le purement mental et le purement social, entre le psychique et l'historique, entre l'individu et le groupe. Et c'est dans cette perspective-là que je trouve qu'il y a effectivement quelque chose à apprendre de Bion. Alors, insister sur la notion de transformation, et ça, ça va être assez important quand je précise que je ne vais pas faire un séminaire de clinique, n'est-ce pas, comme je disais, je vais pas essayer d'apprendre, n'est-ce pas, ou de vous montrer, peut-être, dans la mesure où j'en saurais quelque chose, à quoi reconnaître une psychose quand vous avez l'impression que c'en est pas une, ou bien que c'en est une, etc. C'est qu'à nouveau, je me situe à une sorte de méta-niveau, de niveau plus général. Insister sur la notion de transformation de la psychanalyse, hein, c'est prendre totalement une direction différente, une direction qui est même par certains aspects absolument antipathique et antagonique avec ce qui est un motif absolument dominant de la psychanalyse autour de nous, c'est qui est celui de sa transmission. Donc c'est précisément parce que non seulement j'ai une indifférence complète à la question de la transmission de la psychanalyse, mais même une aversion assez profonde pour cette problématique, que je voudrais essayer de vous montrer pourquoi le travail que j'ai proposé est un travail qui est un peu différent à cet égard. La transmission de la psychanalyse, ça ne peut s'appliquer, et ça, bon, c'est ce que vous voyez tout autour de vous, qu'à ses contenus, à ses normes, qu'elles soient théoriques ou pratiques, n'est-ce pas, de façon à la maintenir. Bon. La notion de transformation de la psychanalyse, chez Bion, qui le dispense, je vous ferai remarquer, totalement de la question de la transmission. Hein, c'est absolument pas quelqu'un, Bion, qui s'est jamais posé, d'ailleurs comme les Kleiniens, hein, qui se posent absolument jamais la question de la transmission de la psychanalyse. C'est une manière de décrire un effet de la cure qui est absolument pour eux complètement en dehors de périphérique, qui n'est pas du tout ce qui est visé. Hein. C'est plutôt dans la notion de transformation, celle de conservation du rapport qu'il y a entre un certain nombre d'éléments qui font que ce qu'on fait, c'est de la psychanalyse. Et on ne peut justement s'assurer que c'en est de la psychanalyse que lorsque cette transformation est conservation d'un certain rapport entre des éléments bien précis. Alors, ça implique effectivement de caractériser précisément quels éléments. On est obligé du coup de dire quels sont, bah, comme dit très bien Bion, les éléments de la psychanalyse, hein, c'est le titre d'un de ses livres, les types de transformations qui sont possibles, et fondamentalement, ces types de transformations ne peuvent être absolument rien d'autre que celles des pensées qu'on trouve, hein, et pas celles des pensées qu'on invente, hein, des pensées à penser, dont l'essentiel nous vient de notre vie de groupe, hein, de la vie sociale, de la vie interindividuelle, de la vie sexuelle, etc. Et que s'il y a une différence majeure entre la transformation et la transmission, c'est que la transformation se passe du coup entièrement de la question de l'imitation, de l'identité, de la production d'une identification, etc. Hein, c'est une production de. Ça, c'est un des aspects essentiels, je crois, du kleinisme, c'est ce qui a fait souvent que les kleiniens étaient capables, comme ça, enfin Mélanie Klein en tout cas, un certain nombre de kleiniens, de produire des analystes extrêmement étranges et intéressants, hein, c'est qu'il n'y a aucune identité. C'est sorti totalement de la question de l'identification, totalement. Et je dirais même d'une certaine manière encore plus radicalement que chez Lacan, qui était un adversaire farouche de tout ce qui pouvait ressembler à une identification, un rapport en miroir, une imitation, une copie, des choses de ce genre. Alors, cette idée de transformation, elle apparaît dans une des choses dont je vais parler, évidemment, cette année de manière extensive, qui ne sera pas tellement la lecture que Freud fait du cas Schreber, mais la lecture que Lacan fait du cas Schreber, puisque je vais faire un retour extrêmement détaillé et critique sur du traitement, de la question préliminaire au traitement de la psychose, hein, dans les écrits. Elle y apparaît sous quelle forme chez Lacan? Elle y apparaît sous la forme d'une topologie, de ce qu'il appelle une topologie, qui est donc la conservation d'un certain nombre de rapports invariants. Et donc les deux schémas, le schéma R et le schéma I, qui sont dans un certain rapport de transformation topologique, où ce qui est le but, en quelque sorte, de Lacan, hein, dans ce texte difficile et fondamental, c'est de fixer des rapports constants entre des éléments fondamentaux du psychisme, de la subjectivité humaine, hein, avec une décomposition, une recomposition, une réarticulation dans la psychose de ces éléments, qui a une force particulière, c'est que ça rend assimilable à la psychose des choses qui n'étaient pas du tout connues ni vues par Freud. Et en particulier, hein, une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est le transsexualisme, puisque le camp de Lacan, hein, en 56, même avant, utilise, n'est-ce pas, le mot de transsexualisation pour décrire ce qui arrive au président Schreber. Il parle de quelque chose d'extraordinairement présent, actuel. Hein. C'est quelque chose qui est l'émergence du transsexualisme, avec des articles très précis de l'époque, de Delay notamment, sur la question ce que c'est que ces gens qui disent qu'ils sont de l'autre sexe, dont vous n'avez, sauf dans le cas du président Schreber, avec une multiplication extraordinaire de symptômes phénoménaux, de délires gigantesques, de créations verbales infinies, etc., vous n'avez absolument aucun cas avant, enfin, qui arrive à la psychiatrie avant les années 50. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est pour ça que je reviendrai sur la question du couplage fondamental du schéma R et du schéma I pour définir la psychose, hein, mort du sujet, transsexualisation, c'est que ce passage à l'abstraction, hein, cette construction des corrélations fondamentales entre certains éléments subjectifs et psychiques fondamentaux, permet justement d'inclure dans le champ de la psychose des choses qu'on n'y aurait pas vues avant et qu'on n'aurait pas été capable de déterminer comme étant. Il y a de la place ici, là, à moins qu'il venez, venez vous mettre là, de la psychose. Mais enfin, comme vous savez, chez Lacan, en tout cas très certainement dans les années 50 et au moins jusqu'aux années 70, se pose toujours, quand il construit cet appareil-là, hein, cet appareil psychique, avec les transformations qui permettent de concevoir comment on peut passer de quelque chose de névrotique à quelque chose de psychotique, se pose toujours la question de savoir si c'est un modèle, hein, ou pas. Et on a beau essayer d'expliquer que ça n'est pas un modèle dans les textes des années 60 ou 70, c'est trop évident que, quelle que soit la force dénégatrice qu'on va y mettre, on n'arrivera pas à empêcher que ce soit un modèle. Pour une raison toute simple, c'est qu'à l'époque, hein, je vous rappelle, chez Lacan, il y a un autre de l'autre. Hein, et comme il y a un autre de l'autre, dont la figure du nom du père permet d'indexer la présence, il est tout à fait justement pensable qu'on puisse modéliser, hein, ce qu'est le psychisme humain, puisqu'il existe un point de vue de, entre guillemets, transcendant. Enfin, c'est assez visible de voir que c'est dans cette problématique philosophique que ça se construit, que Lacan voit les choses. Et il faudrait donc ainsi, c'est ce que j'essaierai de faire cette année, essayer de montrer comment, pour dépasser l'idée qu'au fond ça n'est qu'un modèle, hein, essayer d'entrer plus profondément dans quelque chose qui a été tenté par des élèves de Lacan et qui est probablement dans l'esprit de Lacan, mais c'est pas si évident de le voir, de montrer qu'il s'agit bien dans cette topologie d'un appareil psychique, c'est-à-dire de retracer la genèse du schéma R et du schéma I à partir de la notion d'appareil psychique freudien, à partir de l'Entwurf du chapitre 7 de la Traumdeutung, et même fondamentalement, puisque c'en est l'origine, de l'appareil de langage de la neurologie allemande, de l'aphasie auquel Freud a été formé. Si c'est un appareil psychique, c'est au sens que je dis, hein, souvent, c'est-à-dire c'est un appareillage psychique, c'est un moyen de s'appareiller à autrui, c'est une manière, justement, entre S et A, de construire quelque chose qui est un appareil. Sauf qu'à la différence de la vision biologisante et neurologisante, plus exactement, de Freud, où l'appareil psychique serait dans la tête, l'appareil psychique ici est entre le sujet et l'autre, il appareille le sujet à l'autre, et ça reste possible chez Lacan à l'époque, parce qu'il y a un autre de l'autre. C'est évident que quand on entre dans une toute autre problématique, celle des nœuds, celle justement d'une tentative de penser une asymétrie de plus en plus radicale, c'est-à-dire des relations où ça va dans, où s'il y a une relation entre A et B, il n'y a pas de relation entre B et A, par exemple, cette espèce de déséquilibre permanent qui est la quête fondamentale de la relation asymétrique chez Lacan, avec le développement de cette problématique chez Lacan, va tomber la dimension d'appareil, hein, d'être pareil et d'ajointement des appareillages dans cette conception. En tout cas, Il y a bien la recherche qui m'intéresse fondamentalement d'un rapport réglé avec des covariations nécessaires dans cette conception. Et donc, une fois qu'on a mis ça sur la table, une fois qu'on a dit qu'il y a, bah, ce qui est un peu l'hypothèse que je défendrais, hein, qu'il y a bien une idée d'appareil psychique qui est de transformation en un sens que vous trouvez aussi bien chez Bion, chez Lacan, hein, le défi qui se présente à nous, c'est, enfin à moi en tout cas, c'est de concevoir ces transformations de la psychanalyse dans leur figure la plus radicale, hein, la plus difficile. C'est ce qui se passe quand vous êtes confronté à ce qu'on pourrait appeler une mutation anthropologique. Pourquoi? Parce que lorsque dans un schéma comme le schéma R ou le schéma I, vous ajustez et vous ajointez un certain nombre d'éléments, hein, et vous construisez des relations entre ces éléments qui sont conservés sous un certain nombre de transformations. Ces aspects de la condition humaine qui intéressent la psychanalyse, le moi, l'autre, l'inconscient, etc., doivent être caractérisés en tant que tels et ne sont évidemment pas immunisés contre des transformations fondamentales de leur valeur réciproque, de leur teneur, et ce qui a des conséquences sur l'appareil psychique lui-même. Une des conséquences que vous mesurez tout de suite, c'est que si vous essayez de décrire un certain nombre de cas de psychose, comme j'ai pu le voir faire pendant des années, par exemple transsexualisme, des choses comme ça, avec les schémas R ou les schémas I, ça marche à tous les coups. Donc ça ne marche jamais. Si ça marche à tous les coups, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça veut tout simplement dire qu'on rate la spécificité des choses. C'est qu'il y a vraiment quelque chose là qui rate. Et que parfois, ça donne cette espèce de désert intellectuel qui consiste à dire que bah, c'est, voilà, avoir une psychose, c'est avoir une forclusion du nom du père. Bah, quand vous avez une forclusion du nom du père, bah, vous l'avez dans le baba, hein, mais à part ça, on n'est pas tellement avancé. Avec cette espèce de circulation où ce qui a pu être un moment, quelque chose d'extraordinairement précis et susceptible, notamment, je vous raconterai pourquoi, dans les années 50, de faire face à un type de psychose qui laissait absolument tout le monde comme deux ronds de flanc, hein, c'est les premières personnes qui se présentent en disant, les premiers hommes qui se présentent en disant je suis une femme, hein, là donc au moment où il écrit ça, hein, dans le service de Jean Delay, se transforme en une espèce de truc normatif, hein, où finalement on en vient à aller chercher la forclusion du nom du père chez un psychotique, n'est-ce pas? Et ma foi, ben, on arrive toujours à la trouver, plus ou moins, hein, si vous voulez, hein, c'est pas trop un problème, plutôt que d'aller chercher en quoi, hein, les choses devraient nécessairement prendre cette forme-là. Alors, donc, si on est confronté à cette idée d'une transformation de la psychanalyse qui a des conséquences sur l'appareil psychique, c'est-à-dire sur la manière dont l'analyste s'appareille à l'autre et donc les sujets s'appareillent à l'autre, on est soumis à une première contrainte qui est celle de caractériser les éléments qui sont en relation et de s'interroger tout simplement sur leur validité anthropologique et les transformations qui sont susceptibles de subir. La deuxième chose auquel on est commis, c'est de dire à quoi ça ressemblerait une contextualisation rigoureuse de nos idées psychanalytiques sur la psychose et de leur évolution. C'est-à-dire de dire, par exemple, une chose que je vais essayer de faire cette année en vous donnant un exemple avec la mélancolie, de savoir pourquoi, effectivement, et c'est pour ça que je vous ai indiqué sur mon petit mail cette nouvelle d'Henry James, n'est-ce pas, The Altar of the Dead, qui est contemporaine du premier texte d'Abraham sur mélancolie et la manie, enfin c'est un peu antérieur, mais disons qu'elle a été publiée dans l'édition New York en 1907, elle a été reprise dans l'édition New York en 1907, en numéro 1 d'ailleurs, c'est probablement celle de toutes ces nouvelles que préférait Henry James, et d'essayer de vous montrer, hein, pourquoi cette situation-là, hein, c'est vraiment la situation de deuil et mélancolie, et que deuil et mélancolie, c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment bien concevoir que lorsqu'on se place dans ce type de discrimination extrêmement fine entre une mélancolie mortelle, hein, qui va tuer donc le protagoniste Holmes Transom dans la nouvelle, et ce deuil qui va totalement parallèles jusqu'au dernier moment, absolument pas les mêmes symptômes, même apparence. Il n'y a aucune différence clinique entre le deuil pathologique qui va tuer Stransom et le deuil non pathologique dont la nièce en deuil, hein, the mourning niece, va s'en sortir. Hein. Cette distinction invisible n'est concevable et n'est pensable qu'à partir de ce que raconte Freud dans Deuil et Mélancolie. Et Deuil et Mélancolie prend son sens dans cette contextualisation-là. C'est-à-dire qu'on est absolument obligé pour penser les transformations des théories du deuil, et chez Mélanie Klein, c'est extrêmement, extrêmement sensible, et probablement chez Lacan aussi, puisque Lacan est celui qui met moins l'accent sur la dépression, mais plus sur l'angoisse, par exemple, dans le deuil, de se référer au type de réponse que les hommes donnent à un moment donné au réel social auquel ils sont confrontés, au type d'imaginaire auquel ils ont accès, et à l'ordre relationnel, symbolique, dans lequel ils sont inscrits. Sinon, on s'expose à une nouvelle fois aller vers le sous-déterminé, hein, de la manière la plus constante, et alors, non, il prenait n'importe quel endeuillé, vous pouvez lui appliquer sans coup férir deuil et mélancolie, n'est-ce pas? Vous allez tout retrouver, ça ne résiste pas, ça rentre comme dans du beurre, et au total, on n'y comprend rien parce qu'une fois qu'on a fait ça, on est totalement désarmé de tout moyen, hein, de concevoir les choses. Ce qui permet de se poser la question de savoir ce que serait qu'une mélancolie aujourd'hui. Voilà, le travail de concevoir ce que c'est qu'une mélancolie dans un monde qui n'est évidemment plus celui d'avant la guerre de 14. Point suivant, à quoi on est commis dans la problématique que je vais vous proposer cette année, c'est d'essayer de tester dans quelle mesure, hein, certaines abstractions qui sont d'autant plus nécessaires que je m'efforce de rendre très concrètes les conditions sociales et anthropologiques de la clinique, des psychoses. Hein, il faut vraiment aller se plonger là-dedans. Il faut vraiment aller regarder le type de langue, par exemple, que parle James, pourquoi il construit la nouvelle de cette manière-là, qu'est-ce qu'il y attrape, qu'est-ce qu'il y perçoit, qu'est-ce qui est évident littérairement et que nous n'avons pas que nous n'avons peut-être pas du tout de capacité de saisir. Hein. Donc c'est très très concret, tout ça, ça implique un surcroît d'abstraction dont, par exemple, le schéma de la grille chez Bion, par exemple, est une tentative, hein, de se donner les moyens de penser abstraitement ces relations extrêmement sophistiquées et complexes entre les éléments de la psychanalyse ou bien le schéma R. Autrement dit, quels genres d'appareils psychiques peuvent recueillir ce qui est constant dans les variations de cette clinique. Je crois que tester dans quelle mesure on a besoin d'une abstraction de ce genre, et par exemple ce que ça pourrait être, justement, de fabriquer quelque chose qui serait non pas un prolongement, une extension, une réécriture de la grille ou du schéma R, mais les abstractions dont nous avons besoin, hein, dans l'univers dans lequel on se déplace. Un élément qui pourrait nous aider à voir la profondeur et la difficulté du problème, c'est le suivant. C'est que tous ces appareils psychiques que nous ont laissés les psychanalystes qui nous ont précédés ont une particularité singulière, c'est que ce sont des machines qui, comme vous savez, sont faites pour ne pas fonctionner. Ce sont des machines fondamentalement dysfonctionnelles, n'est-ce pas? On ne comprend pas comment, n'est-ce pas, pour prendre un exemple trivial, n'est-ce pas, fait le moi pour résister d'un côté au surmoi, pour satisfaire le ça d'un autre côté, et en même temps pour s'adapter au réel, n'est-ce pas. C'est Harlequin, serviteur de 3 mètres, si vous voulez, et avec ça, on ne comprend pas comment on ne crève pas. Hein. Et en réalité, si vous cherchez à faire fonctionner, n'est-ce pas, comme de braves petits psychologues américains des années 50, la seconde topique, pour expliquer que oui, on fonctionne comme ça, non. On dysfonctionne comme ça. Hein. C'est tout à fait fondamental dans ces trucs d'appareil psychique de pointer qu'ils ne sont pas là pour indiquer comment on marche normalement, mais pourquoi et sur quels axes nous dysfonctionnons. Donc ce sont des machines dysfonctionnelles. Hein. Ce sont des machines qui sont là pour, non pas bien tourner sur elles-mêmes. Hein. On pourrait dire que l'appareil de la Traumdeutung, qui est très inspiré par les schémas sensorimoteurs de la psychologie philosophique française à la fin du 19e siècle, lui a un petit côté comme ça, il est fait pour marcher, hein, il est fait pour expliquer dans une perspective plus ou moins darwinienne comment on va s'adapter à ce qui se passe autour de nous. Avec la seconde topique, on n'y peut rien, puisque le ça est devenu une instance. Hein. C'est-à-dire que le truc qui fait tout péter est devenu lui-même un élément à l'intérieur du dispositif, de l'appareil psychique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur même de cet appareil des points de rupture réels de l'appareil lui-même. On peut tester le fait que vous avez affaire à quelque chose qui n'est pas de la psychologie générale appliquée aux problèmes psychopathologiques de la psychanalyse, mais de la psychanalyse, vraiment, à ce simple critère, est-ce que l'appareil psychique proposé inclut son propre dysfonctionnement comme ce à quoi il a constamment affaire dans son propre fonctionnement? C'est-à-dire comment est inscrit à l'intérieur de tout appareil psychique authentiquement psychanalytique, la fin de sa pertinence et le commencement de le grain de sable qui l'oblige à se décomposer, à se recomposer en autre chose. Et évidemment, un des points, pour ça que je vais revenir sur le cas Schreber et vous montrer comment on est obligé d'y revenir et de s'apercevoir que Lacan quand même a fait quand même un ménage et une idéalisation absolument extraordinaire du cas Schreber pour réussir à en sortir le schémaï. Hein, il a fallu quand même le décrasser de partout, en enlever des bouts entiers, ou tout simplement profiter de quelque chose dont je parlerai plus tard, hein, profiter du fait qu'on ne savait pas, on n'avait pas les documents, hein, quand il écrit. On n'avait pas les certificats psychiatriques de Schreber, on n'avait pas les notes de Schreber, tout entières, comme on en a quand même aujourd'hui. Et comment cette idéalisation a fini par fonctionner comme un modèle, pas tellement de la faute de Lacan, mais fondamentalement à cause du fait qu'on perd de vue que ce sont des choses qui ne sont pas faites pour fonctionner, ou pas pour fonctionner comme des explications théorique de la psychose, mais fonctionner comme des moyens psychiques de s'appareiller pour se confronter au dysfonctionnement psychotique, ce qui n'a absolument rien à voir. Et ce qui n'est évidemment, dans la façon même dont vous pouvez envisager de former des analystes en sorte qu'ils puissent ne pas trop flancher devant des situations de psychose, n'a pas du tout la même fonction et n'appelle pas au même type d'intériorisation, d'assimilation, de tout ce que vous voulez. Conséquence de ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça veut dire, puisque là je le déplace du côté de ce que c'est que le savoir du psychanalyste, hein, de l'ordre qui fait qu'il y a un savoir du psychanalyste et une organisation de ce savoir et de ce non-savoir que j'attrape à travers la notion d'appareil psychique. Ben c'est un appareillage psychique comme celui qui est requis du psychanalyste, qui doit bien évidemment prendre en compte les éléments les plus vifs et notamment les plus agréables de la condition humaine, implique aussi que cet appareil psychique, chez chacun d'entre nous, et c'est tout particulièrement vrai quand on se confronte à la psychose, se rende sensible, pense, s'affecte de ce qui l'empêche de se prendre lui-même pour un modèle. C'est-à-dire que ça affecte effectivement un sujet, un analyste, le grain de sable, l'élément qui fait qu'un appareil psychique est un appareil fondamentalement dysfonctionnel. Ce qui implique justement que le rapport au dysfonctionnement même de la subjectivité de l'analyste, c'est-à-dire de ce sur quoi il a pu mettre la rustine plus ou moins solide, et on lui souhaite solide d'un symptôme, de ce que Lacan finira appeler d'ailleurs d'un symptôme, pour quand même marquer de quoi il s'agit, deviennent opératoires. Mais opératoires pas pour marcher, opératoires pour s'exposer au dysfonctionnement de l'autre. Et là, en particulier, parce que c'est un peu, si vous voulez, au fond, une situation qui a des conséquences politiques sur lesquelles je vais arriver très vite, hein, dans la politique de la psychanalyse. Dès le moment où ça fonctionne plus comme ça veut dire que vous avez beau expliquer que vous n'imposez pas à vos patients de penser comme vous et que vous ne leur offrez pas le modèle de votre santé mentale, il n'en reste pas moins que vous avez par-devers vous je ne sais quel schéma ou modèle, par exemple, de la psychose, et que vous savez très bien y faire rentrer un tel ou un tel, sous tel ou tel rapport, c'est-à-dire que vous disposez d'un modèle de l'autre. et que vous pouvez vous poser en autre de l'autre comme un juge de quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, sera sa normalité ou son anormalité. Alors, c'est là, hein, c'est là où, évidemment, des mots comme histoire, anthropologie, bon, sont maladroits et devraient être révisés. Mais le point de réel que j'essaie de mettre en évidence dans ces transformations historiques de la façon dont les psychanalystes se sont confrontés à la question de la folie, hein, ben ce point de réel, il est là. Hein, le vrai point de réel qui fait qu'il y a histoire, qui fait qu'il y a des mutations anthropologiques, ben c'est ce réel qui n'est pas fait pour nous plaire, et d'ailleurs, quand bien même s'appellerait-il jouissance, hein, puisque c'est ça le machin malin, c'est d'appeler jouissance qui justement ne nous plaît pas du tout, hein, vraiment pas, c'est de se fixer, de se coller à cette émergence de modalités de la jouissance qui mettent en difficulté, dans le réel, la transformation de notre appareil psychique en un modèle de l'autre. Voilà, c'est là le point le plus important. Alors, vous savez que ça a des conséquences assez frappantes, hein, dans la politique de la psychanalyse aujourd'hui. Hein. Un des éléments, moi j'en reviendrai dessus, mais je reviens dessus tous les ans, donc ça devient lassant, je pense, hein, de ma récusation armée de tous ces motifs, n'est-ce pas, de la nouvelle économie psychique, du déclin du nom du père, transformé en jugement sociologique sur l'état du monde, de la prétendue décadence du sujet avec un S majuscule, c'est qu'il suffit d'écouter 5 minutes quelqu'un en parler pour voir qu'immédiatement il se place dans la position de l'autre de l'autre. Puisque lui, il a un modèle de ce que ce sujet doit être, puisqu'il est capable de le rencontrer et de le confronter à un certain type de normes. Et c'est d'autant plus troublant que la même personne qui peut d'un côté vous expliquer qu'il n'y a pas de l'autre de l'autre, prend la défense du sujet avec un S majuscule sans se rendre compte que ce n'est rien d'autre que cela, s'installer dans la position de l'autre de l'autre. Ce qui est totalement corrélatif de quelque chose, c'est l'incapacité de penser des transformations de l'appareil psychique. Il ne saurait plus y avoir que des déclins, des cassures, des dégradations de cet appareil psychique, avec un aveuglement systématique sur la capacité créatrice de l'inconscient, sur la capacité à produire des types de liens sociaux originaux, nouveaux, ou des rapports à la jouissance qui peut-être ne nous plaisent pas, hein, mais qui sont néanmoins des rapports remarquablement opératoires. C'est une des raisons aussi, je le dis en passant, mais pour lequel, effectivement, j'ai la possibilité de vous raconter ce que je vous raconte ici, puisque je ne fais pas de séminaire clinique. Hein, c'est pas un séminaire de clinique, c'est pas un séminaire sur la... Je ne transmets rien, hein, je me suis engagé à ne rien transmettre de la psychanalyse, et ça m'arrange parfaitement, puisque l'idée fondamentale, c'est que je n'ai pas de mandat pour justement faire ça, c'est-à-dire transmettre la clinique dans cette association. C'est la raison pour laquelle vous ne payez pas. Hein. Si vous voulez vous faire transmettre la clinique psychanalytique, il faut payer, c'est à l'étage du dessus. Et donc ça n'a pas de sens de se demander, comme je fais depuis plusieurs années, comment Freud ou Lacan ou Bion s'est fait, hein, c'est-à-dire comment ça marche, ce que ça brasse, les remous dont ça s'alimente, les remous que ça produit, ça n'aurait pas de sens si on ne descendait pas justement à ce point de la transformation et de la crise qu'est cette transformation, qui est une crise absolument permanente dans laquelle il n'y a rien à transmettre, puisqu'on est fondamentalement dans cet élément de la psychanalyse comme transformation des invariants, des rapports anthropologiques que nous avons les uns avec les autres. Et donc, s'il tenait debout, le concept d'appareil psychique que je vous propose, hein, qui est un espèce de machin que je fabrique avec un peu de Freud, de Lacan et de Bion, eh bien, capterait quelque chose de cette machine, comme dit Bion, à penser les pensées, qui en même temps comporte en elle un grain de sable qui la détraque, hein, qui rend capable d'être affecté par ce qui détraque notre propre appareil psychique et qui le force à se recomposer sous une autre forme, de façon cependant réglée. Hein, c'est ça la chose la plus curieuse, ça le force à se recomposer d'une façon qui est réglée. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir de la psychanalyse, c'est parce que cette recomposition, cette transformation de la psychanalyse est une transformation réglée. Elle est réglée si vous la réglez sur l'épine désagréable d'un certain réel. Et que la grande difficulté, pour être sûr de rester dans la psychanalyse, c'est de ne pas rater le réel qui force la psychanalyse à se transformer. Je le redis parce que ça me paraît très important. Le point essentiel de mon propos, c'est qu'effectivement, enfin, essentiel, mais c'est un des points que j'aime bien dans mon propos, c'est de dire que pour qu'on soit dans la transformation de la psychanalyse, il faut mettre la main précisément sur ce point de réel qui détraque l'appareil psychique tel qu'il est fonctionnant et qui l'oblige à se reconfigurer. Ce que Lacan, par exemple, a appelé le bioptita. Voilà. Et qui est le cas, la notion opératoire d'objectita, c'est ça. Hein, ce n'est pas une algèbre à la mort moyenne. Alors, cette espèce de recherche du réel, vous ne pouvez pas vous contenter de la clinique privée ou collective, etc. Le réel dont il s'agit là, c'est un réel qui force, qui est le lieu de transformation anthropologique significative et qu'on ne va pas évidemment trouver uniquement, et ce serait même inquiétant, dans le registre de la psychanalyse. C'est la raison pour laquelle je considère qu'on ne va pas se servir librement sur les étagères comme ça de l'anthropologie, de l'histoire, de la philosophie, de l'ethnographie, etc. On va chercher ce qui est, pour notre époque, les points extrêmement difficiles que se posent ces sciences, ces savoirs, dans lesquels tout le monde est confronté à ce problème de l'acuité réelle, de quelque chose qui ne passe pas, de quelque chose autour de quoi se réorganise, etc. Que ce soit dans l'économie contemporaine, que ce soit dans la philosophie, dans la logique, ou dans ce que vous voulez. Et notamment, hein, c'est pour ça que l'an dernier, je pense que vous l'avez compris, j'avais demandé à, par exemple à Catherine Coringer ou bien à Sébastien Smirou de venir en dire ou en montrer quelque chose. L'art, hein, c'est-à-dire le vrai, quoi, pas celui pour rigoler, hein, celui des vrais artistes, ou la poésie, celle de prise notamment dans son activité, dans le caractère essentiel de l'activité poétique, de celle qui n'est pas reconnue, hein, celle où vous ne pouvez pas vous dire c'est des gens connus, vous êtes obligé, hein, d'aller vous demander, de vous laisser interroger sur si ce qui est produit c'est de la poésie, hein, et où la poésie vient comme ça attraper les gens par le col, c'est là où il y a du réel et c'est là où le psychanalyste doit avoir les oreilles ouvertes. Et donc, évidemment, la machine, non, je parle, l'appareil psychique, elle brasse, elle mouline cette machine, elle s'engraine sur d'autres machines, et pas toujours sous forme de machines théoriques. D'ailleurs, il y a bien d'autres choses que des machines théoriques, il y a d'autres formes, il y a des agencements de pensée et d'affect qui nous intéressent beaucoup dans la philosophie ou dans la poésie, puisque j'en ai parlé, ou dans, par exemple, ces trucs qu'on appelle comme ça les vidéos, là. Qu'on aime plus ou moins, etc., enfin, avec lesquels, que ça nous plaise ou pas, hein, ça c'est vachement important, que ça nous plaise ou pas, hein, c'est là, hein, il va falloir faire avec, parce que c'est pas une question d'aimer ou pas, hein, ce dont il s'agit ici, c'est un point de jouissance qui est venu s'organiser comme ça, et il va falloir en tenir compte. Alors, c'est en ce sens, donc, que la transformation de la psychanalyse est connexe naturellement et sans qu'il y ait aucune extension du domaine de la lutte, comme dirait l'autre, ou généralité prétentieuse ou croyance qu'on peut généraliser la psychologie individuelle à la psychologie collective, cette problématique de la transformation de la psychanalyse est totalement connexe à celle de la transformation sociale ou historique. Il y en a pas, c'est la même, hein, c'est fondamentalement exactement la même chose, et un appareil psychique, c'est quelque chose qui vient nous amener au point le plus vif de cette transformation-là. Alors, pardon d'être un petit peu peu chaotique, ou, etc. Mais enfin, c'est aussi parce que, évidemment, moi-même, là, je vous dis où j'en suis au maximum, hein, parce que après, je ne sais pas exactement ce que je vais raconter. Enfin, bon, en allant jusqu'ici, je vous ferai remarquer sur cette question de l'œuvre d'art, je dis en passant, sur le sérieux de ce dont il s'agit, c'est la différence que vous pouvez faire entre pousser un patient à sublimer, hein, par exemple parce que l'analyste a des goûts pour l'art, hein, ce qui en général a des effets catastrophiques, et tolérer certaines productions perturbantes, hein, dont vous ne savez pas si c'est de l'art, si c'est de la philosophie, ou si c'est du délire, ou si c'est du délire. Ou si c'est comme. C'est pour ça que j'étais assez content que Catherine Coringer accepte de venir montrer à des psychanalystes quelque chose. Hein, c'est pas rien pour elle de venir montrer à des psychanalystes. Ou si c'est des perversions, des choses horribles qui font du mal au sujet que nous aimons tous. Parce que, c'est-à-dire des points où il s'agit de produire un symptôme qui coince un certain réel, hein, que ça nous plaise ou pas. Alors là, c'est tout à fait autre chose, hein, de tolérer ça, et puis d'être dans la perspective finalement bourgeoise, bien calée dans son fauteuil de Freud, qui trouve qu'au fond, voilà, le névrosé, il n'a qu'à investir ses pulsions dans les œuvres d'art, et puis comme ça, ce sera bien. Hein. Alors, le mode de travail que nous allons avoir pendant cette année, c'est un mode de travail qui présente ce paradoxe, hein, en travaillant sur la transformation de la psychanalyse, que s'il fait passer quelque chose de la psychanalyse, hein, et les gens adorent que ça passe, hein, en milieu, ça ne transmet rien. Voilà. Ça ne transmet strictement rien, qu'une question sur les conditions de la psychanalyse. C'est la seule chose qui peut passer, hein, ou qui peut être transmise, dans, à mon avis, dans ce dispositif. Alors, je voudrais expliquer le menu, le programme, pour clarifier la démarche, et puis après, je terminerai par un truc plus bizarre. Donc, il y aura deux séances après celle-ci que je vais consacrer à lire avec vous The Altar of the Dead. Il y a une traduction un peu meilleure que celle qui est en ligne que je vous ai donnée. Vous avez le texte anglais, vous pouvez vous le procurer aussi par écrit. Mais le texte anglais est très bien, celui qu'il y a sur Google Books, il est tout à fait convenable. C'est l'édition 1907 des nouvelles, des short stories. Et il y a une traduction qui est un peu meilleure. Je vous montrerai qu'en réalité, il y a plein d'endroits de la traduction où c'est tellement finement fait, le texte de James, qu'il y a des choses. Non, il y a des choses, on ne peut pas les traduire comme ça. Non. Alors, pourquoi? Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que je voudrais essayer qu'on essaie de se mettre dans la peau du pauvre Freud et d'Abraham, confrontés à ce que c'est que le deuil et la mélancolie dans le monde qui est le leur, avant que la fin du monde, c'est-à-dire la guerre de 14. Puisqu'après, il n'y a plus de monde, on peut dire. Ça c'est, je pense que. Ça a l'air grandiose de dire ça, mais c'est quand même aussi une chose extrêmement importante. C'est lié à l'existence d'un monde, la mélancolie. Et après la guerre de 14, ben, vous pouvez toujours crever, mais il n'y a plus de monde. Voilà. Le monde est terminé. Alors évidemment, ce monde-là que vous avez, l'idée même de monde n'a plus de sens après la guerre de 14. Pour ça, il faut le progrès, il faut la bourgeoisie, il faut l'universel, etc. Quand on creuse dans les tranchées, dans les couches de cadavres, il n'y a plus de monde. L'immonde est rentré dans le monde, comme on dit, n'est-ce pas? Et ces choses-là, c'est fini. Et donc, la mélancolie dans un monde, qui est le monde de la bourgeoisie anglaise, édouardienne, des années 1890, etc., qui est un monde qui présente suffisamment d'affinités, et je vous dirai pourquoi, avec le monde bourgeois de la psychanalyse viennoise et berlinoise, hein, avec Abraham, pour nous instruire. Et ainsi, Deuil et Mélancolie, j'essaierai de vous montrer, n'est pas le reflet, c'est plutôt le recueil de ce qui opère alors dans un deuil. C'est essayer de. Ça met la main sur ce qui, chez ces gens, opère dans un deuil, et qui fait de la mélancolie, définition assez, beaucoup plus étrange qu'on ne le croit, l'échec du deuil. C'est beaucoup plus étrange qu'on ne croit de dire que la mélancolie est l'échec du deuil, parce que il faut vraiment indiquer en quel sens c'est cet échec. Et une nouvelle comme The Altar of the Dead, avec ce parallèle fascinant entre donc The Mourning Niece, la nièce en deuil, et puis Stransom, vous montre, je crois, admirablement quel est le monde à l'intérieur duquel non seulement c'est pensable, mais on ne peut penser que ça, et où ça a un effet de vérité sidérant sur la construction subjective. Et donc, ce sera par là un moyen pour moi de vous introduire à la question de savoir à quelles conditions de possibilité on peut reconnaître une psychose. C'est-à-dire comment voir ce que voit James dans le parallèle entre Stransom et The Mourning Niece, dans cette chose fascinante qui est justement l'indistinguabilité totale des signes extérieurs du chagrin et du deuil chez l'un comme chez l'autre. Parce que comme c'est totalement indistinguable sur le plan comportemental, apparaît alors quelque chose d'original, c'est que ce sont des positions subjectives, et des positions subjectives inconscientes, liées à certains agencements de langage et d'affect, qui vont montrer l'immense différence que ça fait, puisqu'à la fin, n'est-ce pas, au moment où l'une sort du deuil, l'autre lui meurt dans les bras, avec d'ailleurs des conséquences que l'on peut imaginer. Donc je consacrerai tout un thème, avec en arrière-pensée, mais je ne le ferai pas, je le laisse juste à réfléchir, est-ce que nous ne manquons pas dans les conceptions contemporaines du deuil et de la mélancolie, du juste prototype de ce à quoi on s'adresse quand on parle aujourd'hui d'un deuil ou d'une mélancolie? Parce que là, vous bénéficiez de conditions idéales, notamment liées au fait qu'il y a, avant 14, il y a un monde. Et que l'horreur, n'est-ce pas, c'est quand même quelque chose qui peut être la mort, l'horrible, etc., qui peut être assez puissamment refoulé, au niveau social. Dans nos sociétés, où c'est peut-être un petit peu moins le cas, même beaucoup moins, la question, par exemple, de l'affinité de la mélancolie avec le traumatisme, avec des figures de ce genre, se pose d'une toute autre manière, avec le rapport au corps, par exemple. Il y a des mélancolies extrêmement étranges qui sont liées, n'est-ce pas? On a l'impression que les gens accompagnent leur corps jusqu'à leur mort, quoi. C'est ça, finalement, leur mélancolie. Ce sont des situations stupéfiantes dans lesquelles ils collent à leur corps et leur corps se défait, ou leur corps vieillit, leur corps... Et ils n'ont jamais été que ce corps. Alors on appelle ça de l'hypocondrie, on essaie de dire c'était comme ça autrefois, mais peut-être que ça ne l'est pas. Et que la grande difficulté, ce serait à partir, vous voyez, en réalisant la dépendance extrêmement étroite de ces questions anthropologiques et historiques avec la visibilité de la psychose, de nous interroger, nous, sur le travail qu'on a à fournir sur ce type de situation. Là, ensuite, il y aura toute une série de séances consacrées à Schreber, qui sont liées au fait que donc j'ai traduit le livre de Louis Sass, qui s'appelle Schreber and Wittgenstein. Louis était là l'an dernier, il a assisté au séminaire. Donc j'ai traduit ce bouquin et il va sortir probablement, il va sortir fin janvier. Donc à ce moment-là, vous pourrez disposer de la traduction, parce que le texte anglais original est assez difficile. Je ne sais pas si ma traduction d'ailleurs est si facile que ça, mais l'anglais, il est coton. Donc j'ai traduit ce bouquin qui est, comment dire, à mon avis, le seul, mieux encore que Canetti, le seul truc qu'on peut mettre en face de la lecture psychanalytique du K. Schreber. Ce n'est pas une lecture psychanalytique, c'est une lecture assez vigoureusement anti-psychanalytique, qui ignore Lacan. Hein, Sass l'a dit extrêmement nettement, enfin, il n'a pas lu Lacan, il n'avait pas les données, le texte, il ne faisait pas confiance à ce qu'on lui disait de Lacan, mais qui en tout cas donne une très bonne idée de ce que c'est que voir le cas d'une manière totalement autre que le point de vue de la psychanalyse. Alors, dans cette revue de poésie qui s'appelle Ligne 13, j'ai donné un texte c'est bon, je vous fais passer, comme ça vous verrez Ligne 13, qui a été aussi, c'est Sébastien Smérou et Francis Cohen, Sébastien est venu l'an dernier donc parler de sa poésie, qui ont fait cette revue, il y a un texte dans lequel j'explique un peu ce que je vais faire sur Schreiber. Je vais faire trois choses. La première, c'est revenir de manière critique sur la façon dont Lacan lit le cas Schreber. Je vais pas faire une glose ou une explication détaillée de ce que Lacan voit dans le cas Schreber. Je vais le confronter à l'état actuel de l'érudition sur le cas, aux travaux d'Anne Israels, qui d'ailleurs en a encore publié une nouvelle version là, de Schreber, Vater und Sohn. Je ne sais pas si ce sera traduit en anglais, parce que moi, l'allemand, ça n'ira pas. Et puis, d'un livre de Daniel Devrez, qui est un livre extrêmement étrange, Daniel Devrez a voué sa vie, en quelque sorte, à la reconstitution, phrase par phrase, des sources du délire, des sources culturelles du délire de Schreber. Mais littéralement, phrase par phrase, en allant chercher les textes de droit, les poèmes, les cours que Schreber a suivis, etc., en retrouvant à partir des lettres de la famille, des documents, des images, de l'histoire, d'essayer de reconstituer le texte, le tissu sur lequel a été prélevé le délire de Schreber. Et il en ressort de ce travail absolument monumental, qu'il explique d'ailleurs, vous devrez le lire, personne n'a voulu le publier, c'est aussi illisible que le délire de Schreber lui-même, n'est-ce pas? Hein? Non, mais c'est un problème. L'illisibilité, ça vous signale la présence de la lettre à l'état pur. C'est illisible. C'est-à-dire, au bout d'un moment, vous êtes totalement suffoqué, n'est-ce pas? Même si vous avez un peu de culture allemande, que vous savez qui sont les gens dont on parle. L'effet d'ensevelissement sous cette masse de noms propres qui coule, qui rubissait, vous sentez matériellement le flot de la lettre. Et c'est vraiment une expérience que je signale d'ailleurs dans le petit texte de ligne 13, c'est une expérience perturbante de voir ce que c'est d'aller se coller jusque dans le moindre détail aux sources d'un délire psychotique. Surtout, évidemment, de quelqu'un qui était aussi cultivé et intelligent que Schreber. Et donc, je vais confronter ce avec quoi Lacan a construit le schéma I et R dans les écrits avec ce que nous savons aujourd'hui. Par exemple, on sait des choses, on a les certificats de la troisième hospitalisation, on a même les mots, on a les photos, on a les derniers mots de Schreber, on les a retrouvés. Ça n'a pas été détruit pendant la guerre, et donc, on peut reconstituer l'ensemble de la carrière psychiatrique de Schreber à partir des dossiers et voir à peu près ce que Lacan et en ont retenu. Avec un des points nodaux qui est la question de savoir si il est vrai ou il est faux que l'articulation essentielle, c'est mort du sujet transsexualisé. Bon, j'essaierai de vous montrer que c'est faux. Ça met en cause, du coup, la possibilité de disposer de cette littéralité folle et perturbante, l'idée même de critères structurales. Hein, l'idée, et pour mettre en cause cette idée de critères structurales de la psychose, vous voyez comment je m'y prendrais, c'est justement, on en dit, mais est-ce que c'est bien ça que le patient a laissé comme trace sur lequel on peut s'appuyer pour construire cette idée de la psychose? Il y a un excès de la lettre du délire sur les signifiants de la structure subjective à l'intérieur duquel Lacan essaie de reconstruire et de formaliser ce délire. Alors bien sûr, ça explique notamment beaucoup de choses sur ce dont je me gaussais tout à l'heure, hein, l'indétermination de l'idée attrape-tout de Forclusion du nom du père. C'est qu'il se pourrait bien qu'en réalité, cette idée soit indéterminée parce qu'elle est la place c'est à quelque chose que dont ni Freud ni Lacan ne pouvait avoir l'usage, faute d'avoir les données ou les éléments du texte qui leur auraient permis d'y penser. Il y a aussi un élément, c'est terrible à dire pour certains lacaniens, un élément de retour du point de vue de Derrida sur ça, hein, c'est-à-dire que justement la lettre, hein, ne cesse d'inquiéter le signifiant bien plus qu'il n'est prévu à l'intérieur de la théorie de Lacan. c'est-à-dire d'entraîner un débordement, une indétermination du texte et du contexte, c'est ça, je crois, l'opération essentielle de Devrèze, qui empêche de découper quelque chose comme le schéma R et le schéma I dans le délire de Schreber. En particulier parce qu'à un certain moment, vous ne savez plus, et c'est ça qui est très beau, s'il délire ou bien si c'est l'Allemand qui délire. Si c'est lui qui délire quand il parle, par exemple, de meurtre d'âme, ou bien s'il ne délire pas du tout, puisque Devrèze a découvert qu'en réalité, ce n'est pas un néologisme. C'est un mot qui était totalement en usage chez le prof de droit de Schreber, dans le code impérial prussien, au moment de l'homogénéisation des systèmes de droit, etc. Et qu'à un moment, vous ne savez plus si tout ce sur quoi vous avez considéré, n'est-ce pas, qu'au fond, là, on a mis la main sur le truc, là, voilà, c'est le point saillant qui a pour contexte le fait qu'il est juriste. Mais non, c'est plus un point saillant, c'est un point indifférent dans un continu que tous ces textes dont Schreber s'est servi fait qu'en réalité, il pourrait avoir raison, d'une certaine manière. Il pourrait être déliré dans un délire, qui est le délire juridique, peut-être, mais peut-être aussi ne pas délirer du tout, sur notamment sa plainte à l'égard de Flechsig. Et donc c'est ça qui m'a paru vraiment extrêmement intéressant avec les données dont on dispose aujourd'hui, avec notamment l'acharnement anti-freudien démoniaque de Hans Israël, qui a passé donc sa vie à essayer de montrer que tout ce que dit Freud, mot par mot, est faux. Hein, alors lui, il pense que c'est un mensonge, hein, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais en tout cas, en allant exhumer le moindre détail qui permettait de prouver qu'en réalité, à l'époque, c'était ceci et pas cela, c'est un tel qu'il avait dit et pas bidule, et que voilà, ça produit cet effet-là. On ne sait plus si c'est l'allemand qui délire ou si c'est l'histoire allemande qui est une histoire délirante à ce moment-là. Et tout d'un coup, vous ne lisez plus le délire du président Schreber de la même manière. Au point qu'on est bien obligé, et ça c'est un geste d'Héridien, de se demander si Freud et Lacan ont fait autre chose que de construire des extensions du délire de Schreber qui se prennent pour des explications du délire de Schreber. Alors, la deuxième chose que je ferai à propos de Schreber, je ne sais pas si je le ferai ou si on aura le temps de le faire, parce que je l'ai déjà fait ailleurs, mais en tout cas, je vous raconterai pourquoi il y a de solides raisons de considérer que l'appareil psychique freudien se retrouve en tant qu'appareil psychique, avec des raisons conceptuelles, dans ces fameux schémas des écrits. Et que ce ne sont, c'est à prendre au sens de quelque chose dont on s'équipe psychiquement pour se confronter à la psychose. Donc je vous raconterai, ça sera un petit peu un mélange d'histoire des sciences et d'interrogation sur la façon dont Lacan a essayé de résoudre des difficultés liées à l'existence de deux topics au moins chez Freud, enfin deux topics organisés et schématisés. Donc une première avec conscient, préconscient, inconscient, puis la deuxième avec moi, ça sur moi, comment le dispositif des schémas R et I vient synthétiser et produire une organisation de ces deux topics-là, et donc fonctionner comme un appareil psychique, à la différence que ce n'est pas un appareil psychique dans la tête, comme l'est resté jusqu'au bout l'appareil psychique freudien, hein, mais un appareil psychique entre le sujet et l'autre. C'est-à-dire un appareillage psychique essentiellement dysfonctionnel. Et puis, comme donc le livre de Sass sera sorti, je m'en servirai pour soulever une question un peu différente, qui est celle du non-sens psychotique et du sens de ce non-sens. Puisque de la même manière qu'on peut... J'employais tout à l'heure le mot très fort d'extension du délire dans la psychanalyse. Vous savez, c'est la dernière phrase de Freud. On, dans son commentaire de Schreber, hein, l'avenir dira jusqu'à quel point il y a autant de raisons que de folie dans mon texte, c'est pas par rapport à la folie même de Schreber. Oui, il accepte très bien cette idée de dire qu'au fond, Schreber... Schreiber et la psychanalyse, c'est la même chose. Hein. Enfin, y a une continuité absolue. Hein. Vous vous rappelez ces lettres fascinantes de Freud à Jung, n'est-ce pas, où Jung lui explique qu'il utilise les voix de Schreiber pour faire des interprétations. Hein, puisqu'il, en particulier, c'est la phrase, je crois, les phrases coupées. Il utilise les phrases coupées et il dit « et quoi encore ?» Et en fait, le « et quoi encore ?» qui est devenu une relance absolument standard dans la psychanalyse est directement tiré, je ne sais pas exactement la formule en allemand, est directement tiré, Jung le dit, du fait que voilà, là, Schreiber, il a parfaitement vu quelque chose. Là, c'est que pour que l'inconscient sorte, il faut l'attraper par le lieu, par le point que Schreiber a indiqué. C'est-à-dire qu'un certain nombre de traits techniques de la psychanalyse ont été, par les premiers psychanalystes, empruntés au délire, au texte littéral du délire de Schreiber. Donc vous avez, hein, c'est quand il dit que c'est une extension, qu'on ne sait plus, il faut aller regarder la correspondance et vous verrez, ils l'ont pris hyper au sérieux, Schreiber, comme professeur de psychiatrie et comme psychanalyste. Ils se sont, d'une certaine manière, confrontés à des aspects de l'inconscient auxquels ils ne pouvaient pas se confronter les uns les autres parce que c'était tous des gens très bien, mais qu'à la lecture du texte de Schreiber, ils pouvaient reprendre. Alors, ce que vous avez chez Sass, c'est un autre type d'extension, un autre type de mise en indétermination extrêmement frappant, qui est assez radical, mais qui est beaucoup plus sémantique, beaucoup plus conceptuel, et c'est celui de la raison et de la folie. Ce qui intéresse Sass, hein, dans le livre qu'il a fait, donc il y a une vingtaine d'années, c'est tout ce qui se passe quand vous vous apercevez que vous n'arrivez pas à mettre, y compris dans certains symptômes schizophréniques extrêmement graves, à mettre exactement le doigt sur en quoi c'est fou. Hein, c'est-à-dire, c'est pas si fou. Il y a un côté pas si fou de la psychose, et que symétriquement et de manière inverse, la rationalité, lorsqu'elle fonctionne de manière pure et abstraite, par exemple la rationalité métaphysique, donne l'impression d'être finalement folle. Et tout le travail dans Schreiber et Wittgenstein consiste à mettre en parallèle le délire du président Schreiber avec la critique de la métaphysique que fait Wittgenstein. Alors c'est très étrange, vous allez voir, ça tourne autour d'une notion très simple, c'est que ce que fait Schreiber, c'est tirer les ultimes conséquences d'une position solipsiste, c'est-à-dire de l'idée selon laquelle c'est moi qui maintiens le monde autour de moi dans l'existence. Et par là, le délire de Schreiber s'inscrit précisément dans une tradition de l'idéalisme dont Wittgenstein, qui vient de Schopenhauer d'ailleurs, hein, dont Wittgenstein explique très bien que ce n'est pas réfutable de l'intérieur. Ça ne se réfute pas de l'intérieur. Une position radicalement solipsiste, c'est une manière de prendre les mots, le langage, ce qu'on appelle une sensation, un corps, autrui, etc., qui prend là, comme ça, d'une manière telle qu'on ne peut plus du tout se défaire de l'idée. On ne trouve pas de point d'appui dans le langage pour se défaire de cette illusion, entre guillemets, produite à l'intérieur du langage, et dont Wittgenstein montre que la quasi-totalité, sinon la totalité des fautes, ou des erreurs, ou des impasses dans lesquelles le conduit la philosophie, sont d'une manière ou d'une autre des formes dérivées de quelque chose de ce genre. Ça s'appelle solipsisme, langage privé, etc. Alors, Sass est un historien des arts, hein, et de la littérature, et il s'est notamment intéressé au fait que c'est quand même très sensible, que bon, même s'il y a un décalage temporel entre Wittgenstein et Schreiber, il partage un certain nombre de données anthropologiques fondamentales qui sont sans doute liées à tout ce complexus d'affection morale, de jugements esthétiques, de principes juridiques et d'idéaux rationnels qui se sont coordonnés au moment où le drame anthropologique des hommes modernes s'est devenu la solitude des individus. C'est la question de savoir... Quand on est un individu, comment est-ce qu'on sort de soi ? comment est-ce qu'on, quand on est un individu, comment est-ce qu'on a un rapport avec autrui, et est-ce qu'on a un rapport avec autrui, et est-ce qu'autrui a substantiellement et profondément un rapport avec nous. Et pour ça, c'est un, quelque chose qui est une question qui interroge la totalité des arts, et notamment à l'époque en Allemagne et en Autriche. L'expressionnisme, en est, le surréalisme, etc., sont des questions qui peuvent être prises dans ce sens-là. Et le délire de Schreber et l'angoisse extrêmement profonde de Wittgenstein d'être fou, qui est une angoisse qui n'est pas du tout une angoisse comme ça du pour rire, hein, qui est une angoisse liée au sérieux de la philosophie. Quand vous êtes engagé dans la philosophie à partir des positions de la modernité, des positions individualistes de la modernité, se rejoignent en produisant comme ça des effets de croisement qui sont chez Sachs tout à fait extraordinaires. Alors j'ai parlé d'individu parce que la question de l'individu et de l'individualisme est à mes yeux, peut-être pas la seule, mais en tout cas une des instances de ce que j'appelais tout à l'heure le point de réel, autour duquel se décompose sous nos yeux et se recompose la question de l'appareil psychique. C'est une question absolument radicale de notre modernité, et suivre la question, l'histoire des transformations de la question de l'individualisme dans nos sociétés individualistes, c'est vraiment avoir l'œil sur là où ça fait mal, c'est-à-dire là où sont produites les souffrances qui forcent l'appareil psychique de chacun à se reconfigurer. Et je vais terminer sur une note tragicomique qui est de vous parler d'un élément de quelque chose qui est en train de se passer. Alors en France, ça s'est passé le 12 octobre à Lille. Dans l'indifférence la plus totale, vous ne trouverez aucune mention de ça dans aucun texte du milieu psychiatrique ou psychanalytique, c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant, mais que je vais mettre d'abord en perspective de la façon suivante. À quoi reconnaît-on une psychose dans nos cultures? Il y a un élément problématique qui a trait à l'individu qui est le suivant, c'est que dans nos sociétés individualistes, l'individu est une valeur suprême. L'individu est porteur de la valeur suprême. Bon. Qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit en France ou aux États-Unis, pour prendre deux grands modèles de l'individualisme sur lesquels Alan Ehrenberg a travaillé, hein, dans la société du malaise, ce qui fait la possibilité de la comparaison, c'est justement que dans un cas comme dans l'autre, vous avez deux organisations institutionnelles, théoriques, psychanalytique même, parce que ça agit sur la psychanalyse, hein, ce truc-là, de l'individu comme valeur suprême. Et que donc, dans une société où l'individu est en valeur au-dessus de la société, l'angoisse de fond, c'est que le social soit toujours à refaire. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre autrement dans une société individualiste qu'avec l'angoisse que le social se défasse. Puisque tous les processus des sociétés individualistes visent à la dissolution la plus radicale, la plus efficace des liens de subordination et de solidarité, hein, pour produire justement de la liberté individuelle, jusqu'au vertige d'être confronté à des phénomènes de solitude, de famille, n'est-ce pas, qui se réduit jusqu'à être le couple parental. Enfin, la psychanalyse naît quand même dans des sociétés, c'est pas rien, hein, c'est la génération des familles juives qui commence à vivre comme les goy, hein, c'est-à-dire des familles nucléaires. Freud, il a payé pour 40 personnes de sa fratrie, hein, toute sa vie, hein, c'était le professeur de Vienne, ça lui coûtait bonbon d'entretenir toutes les cousines, les sœurs, de payer les études, etc. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'Édipe avec une famille totalement nucléaire, avec deux personnes. Donc c'est sa génération, et plus encore celle de ses patients jeunes, hein, qui vit cette transition extrême, cette réduction de la famille nucléaire, phénomène de genre. Et donc aujourd'hui, n'est-ce pas, même la famille nucléaire, c'est déjà trop. puisque, n'est-ce pas, y a quand même cette dimension de la liberté à l'intérieur du couple, n'est-ce pas, un effet dissolvant très puissant. Et alors, effectivement, le social est menacé. C'est la tension fondamentale des sociétés individualistes, et que le social est constamment menacé, puisque tout est fait pour délier l'individu, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas, pour l'autonomiser, et non seulement l'autonomiser, mais faire en plus qu'il s'auto-évalue, ce qui est le but fondamental, c'est que vous auto-évaluez votre degré d'autonomisation. C'est gay comme du Edward Hopper, n'est-ce pas? Et alors, sauf que, quand même, hein, sauf que ce processus-là, qui est vécu par les individus comme une menace permanente et une angoisse de destruction du social, c'est un processus social. C'est-à-dire qu'il faut tout l'appareil institutionnel, idéologique, moral de la société pour fabriquer ces individus-là. Il faut l'école, dès l'école, n'est-ce pas ? Non seulement on va choisir soi-même son exercice de grammaire, mais en plus il faut le noter soi-même à 6 ans, n'est-ce pas, qu'on a fait une faute d'orthographe. Il faut apprendre à s'autonomiser, à s'auto-évaluer dès l'âge le plus tendre, n'est-ce pas, jusqu'à ces ravages de l'autonomisation que vous avez dans les open space, dans le fait que nous travaillons en réseau, etc., avec évidemment l'angoisse vertigineuse hein, que ça produit, et qui est paradoxale puisque c'est un produit social. Il y a plein de sociétés où ça ne marche pas du tout comme ça, et où les institutions sociales ne sont pas au service de la production de ces individus. Et donc c'est un impératif social qui produit ici des individus. Or, sous certaines conditions, il n'est pas du tout exclu, et je crois même que les plus jeunes le verront de leur vivant, ici, que les conditions passées d'identification d'une psychose s'évanouissent. C'est-à-dire que ce que nous avons vu, quand j'étais petit, les psychoses, ça va disparaître. Et ça va aller beaucoup plus loin qu'un phénomène qu'on repère comme ça, confusément. Il n'y a plus de mélancolie, quoi, c'est-à-dire la mélancolie... La belle mélancolie romantique, etc. Non, c'est des épisodes dépressifs majeurs et de perte de l'estime de soi, symptômes psychotiques, c'est quand même tout à fait autre chose. Il n'y a plus la mélancolie. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin que la simple disparition de la mélancolie. Un exemple cocasse, mais qui commence à faire beaucoup moins rire, c'est les autistes, notamment les autistes à fonctionnement supérieur, ce qu'on appelle les Asperger, qui disent, après tout, puisqu'il y a des rampes d'accès pour les fauteuils roulants dans les bâtiments publics, pour les gens qui sont handicapés comme ça, pourquoi il n'y aurait pas des écoles spéciales pour les handicapés cognitifs comme nous? Pourquoi on n'aurait pas des emplois à protéger? Pourquoi faut-il que notre style neurocognitif soit scandaleusement dominé par les neurotypiques? Vous ne saviez pas que vous étiez neurotypique, vous le savez maintenant. C'est-à-dire que vous appartenez à cette catégorie de gens qui opprime la neurodiversité, qui peut se constituer comme... Alors voilà, là on rit. Hein. Et les Américains, ils ne rient déjà plus du tout, parce que les hôpitaux, les compagnies d'assurance, les systèmes juridiques, la défense des handicaps, et puis le bon sens. Pourquoi voulez-vous imposer des modes d'apprentissage de la lecture à des gens dont vous avez des raisons scientifiques de penser que leur mode de traitement de l'information leur rend ce mode d'apprentissage de la lecture impossible. Alors que si on leur laisse apprendre la lecture et la vie sociale, etc., d'une autre manière, ça peut faire des gens extraordinaires, notamment les autistes de haut fonctionnement, à fonctionnement très élevé, ceux qui n'ont pas de débilité mentale en plus de l'autisme. Ça peut aller jusqu'à des professeurs d'université, des médecins, ça peut être tout à fait différent. Hein. Et donc, au nom de quoi allons-nous imposer nos fonctionnements neurocognitifs à tout le monde? Encore plus extraordinaire, alors je ne suis pas énumé avec le t-shirt, les entendeurs de voix. Alors j'en ai un, comme ça c'est « Proud to be psychotic », et sur le dos il y a écrit, il y a l'emblème, le cercle des entendeurs de voix. Alors, les entendeurs de voix, c'était ce qu'on appelait autrefois les schizophrènes, n'est-ce pas, dans les années, au début de la première décennie des années 2000. il y a à peu près 60 ans, 70 ans, on appelait ça des schizophrènes, on les traitait comme des malades. C'était des gens à qui on injectait des drogues extrêmement toxiques, qui leur abîmaient les neurones, etc., et qui étaient très violemment stigmatisés. Et puis, heureusement, mais c'est une histoire qui remonte à 20-25 ans, hein, deux personnes, un type qui s'appelle Marius Röhm et une femme qui s'appelait Sandra Escher, aux Pays-Bas, ont commencé à s'attaquer au problème en se disant, mais après tout, entendre des voix, en quoi est-ce que c'est une maladie mentale? Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas l'expérience spécifique des gens qui ont ce qu'on appelle de façon tout à fait péjorative, des hallucinations acoustico-verbales? Et donc, ils ont commencé ce mouvement de dépsychiatrisation radicale du phénomène. En le traitant de façon un peu comme les conceptions de la neurodiversité, sur le mode de l'organisation d'une déstigmatisation concertée, hein, en montrant que enfin, la quasi-totalité en fait, des effets prétendument morbides et pénibles de ce qu'on appelait la schizophrénie, ça n'était rien d'autre que la stigmatisation sociale, le sentiment de solitude et traumatisante et dépressive dans laquelle étaient enfermés les gens qui avaient cette singularité particulière d'entendre des voix plus ou moins agréables. Déstigmatisation que les historiens futurs feront remonter à la sortie de l'homosexualité du registre des maladies mentales, ce qui est quelque chose qui ne s'est pas fait de manière scientifique, mais pour une raison démocratique. Et c'était extrêmement important qu'il n'y ait surtout pas de décision scientifique et qu'il soit bien clair que la question scientifique ne se poserait jamais. C'est une question démocratique. Ça consistait à dire on ne fera pas servir une discussion scientifique à la déstigmatisation de l'homosexualité. Le choix doit être politique. Bon. Eh bien, en 2030 ou 2040, imaginez une situation où la déstigmatisation de ce que nous appelons aujourd'hui la déschizophrène sera allée à ce point. Et donc, cette dépsychiatrisation radicale qui vient des Pays-Bas, le pays, la Mecque de l'individualisme calviniste radical, hein, on rigole pas avec les libertés individuelles. Pays-Bas, pris dans une perspective d'empowerment, hein, individuel, s'oppose de façon vigoureuse, concertée, au modèle médical, selon lequel ce serait un symptôme médical, refuse que les psychiatres participent à un traitement des voix, hein, des voix hallucinatoires, sauf comme des membres comme les autres, des groupes de parole et des groupes de soutien mutuel que constituent les patients. Un modèle qui est très général, hein, qui s'applique à bien d'autres choses, mais qu'on appelle le recovery, hein, qui se traduit par le rétablissement. Le modèle du rétablissement, ce n'est pas un modèle de guérison. Le modèle de rétablissement, c'est un modèle de reconquête de son autonomie, de son pouvoir d'évaluer soi-même jusqu'à quel point on est malade sans et à quel point on aurait besoin d'un médicament, ou à quel point on ne l'est pas, ou à quel point on a droit à ceci ou cela, sans avoir à subir l'autorité d'un médecin et particulièrement l'imposition d'un modèle ou d'une structure qui vous classerait parmi les déviants ou les anormaux. Sur quoi tout ça repose? Sur des faits qui étaient tenus pour marginaux et qui sont devenus, en fait, avec les progrès de l'épidémiologie et certaines avancées médicales d'ailleurs aussi, des faits centraux. C'est de s'apercevoir déjà que beaucoup plus de gens que les gens qu'on entend, qu'on qualifie de schizophrènes, entendent des voix. Probablement entre 3 et 10 fois plus. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des voix dite hallucinatoire, n'est absolument pas un phénomène singulier et pathognomonique de gens qui, par ailleurs, développent des pathologies psychiatriques. Autre constatation bien connue des psychiatres classiques, mais qui ne l'est pas de la psychiatrie internationale, c'est que ces voix sont de beaucoup de types et qu'il est absolument faux, par exemple, de considérer qu'elles seraient massivement des voix persécutives ou des voix... C'est pas vrai du tout, il y a des voix qui ne sont pas du tout persécutives. Troisième principe, c'est qu'elles ne sont pas hors sens, ces voix. C'est-à-dire que il y qu'ils pratiquent dans ces groupes qui ressemblent beaucoup au groupe des Alcooliques Anonymes. Hein. Ce sont des techniques de groupe dans Recovery avec les 12 étapes du programme des Alcooliques Anonymes, n'est-ce pas, de reconnaissance, de respect mutuel, de s'appuyer sur l'expérience des autres, de valoriser justement, comme dans toutes ces sociétés individualistes dans lesquelles nous vivons, mais encore plus dans des pays, n'est-ce pas, protestants et calvinistes, la révélation de soi et pour faire respecter son expérience personnelle comme une expérience qui a une validité intrinsèque par les autres. Ils encouragent dans ces groupes à faire quelque chose qui ferait dresser les cheveux sur la tête d'un psychiatre, c'est à dialoguer avec les voix, c'est-à-dire à interroger les voix, à écrire ce que les voix répondent, à poser par écrit des questions aux voix, à écouter à nouveau ce que la voix répond et à entretenir avec les voix des rapports personnalisés en leur posant des questions et en leur faisant des reproches, etc. Troisième point, ces voix insistent, contrairement à toute la tradition psychiatrique contemporaine, ces voix sont connectées à l'histoire subjective des sujets. Et les entendeurs de voix apportent comme bagage, etc., que de toute l'expérience de tous les gens qui sont des entendeurs de voix et qui se sont dépsychiatrisés tout seuls et qui vivent tout à fait bien dehors en s'étant sortis, hein, qui ne prennent pas de médicaments et qui négocient leur rapport avec leurs voix hallucinatoires persécutives, parfois tout seuls, c'est qu'elles sont liées à des traumatismes, à des événements de vie, et qu'il est absolument faux de prétendre que les voix seraient comme ça des phénomènes sporadiques, purement cérébrales, etc., qui apparaîtraient de manière insensée. Et justement, c'est un des arguments contre le modèle médical. Notre expérience nous montre que les voix ne se déclenchent pas n'importe quand, n'importe comment, etc. Si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas loin de ressembler, qui a pris comme modèle d'organisation le fameux mouvement des personnalités multiples aux États-Unis, dans lequel on encourageait les gens à parler avec leurs alters, hein, des choses de ce genre. Sauf que là, ça ne se produit pas de la même manière. Et donc, au sens que je viens de vous donner, ce ne sont pas des symptômes de maladie mentale, bien que, effectivement, on puisse en faire une maladie sous la pression aliénante du modèle médical, sous le fait qu'il devient de plus en plus difficile d'avoir des voies hallucinatoires sans être traîné de force à l'hôpital psychiatrique. Je pense qu'on peut se placer en 2050, 2060, et on peut parfaitement imaginer, de la même manière qu'il y a eu des transformations aussi vertigineuses que la disparition de l'homosexualité et des pathologies mentales, que ce qu'on est en train d'assister, c'est que le transsexualisme est devenu un droit, hein, et non pas une pathologie. Ça va sortir des pathologies psychiatriques pour être quelque chose qu'on peut faire, comme ça on peut changer. Ça, c'est quelque chose que moi j'aurais vu de mon vivant, ça, la transformation de la pathologie psychiatrique la plus grave en droit de l'homme. Hein, c'est quand même un truc, c'est pas courant, hein, ces situations, mais ça va se généraliser sur le même. On peut parfaitement imaginer que lorsque vous terminerez votre carrière de psychologue ou de psychiatre, il n'y aura plus de psychose. Il y aura des gens qui entendront des voix et qui se débrouilleront avec. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que je crois qu'il y a une dynamique de l'individualisme et de l'empowerment qui est, des individus dans nos sociétés, un fait réel d'une intensité, d'une puissance, d'une capacité à mobiliser la vie sociale et à transformer profondément et les pratiques et les représentations que nous sous-estimons. Surtout si on a la folie de croire que le moi, c'est un truc imaginaire. Non, le moi, c'est pas un truc imaginaire. Le moi, c'est totalement insignifiant. C'est un truc qui s'intègre dans des raisonnements juridiques, qui fournit des ancrages à des pratiques et sur lesquelles les individus peuvent se mettre à fonctionner d'une manière totalement imprévisible. Et c'est, je pense, vous voyez, un calcul qui est compliqué que celui que je vous propose de faire, mais ce vers quoi je pense que nous allons, hein, quand je vous parle des entendeurs de voix, là. Alors effectivement, ils se sont réunis en France pour la première fois à Lille le 12 octobre. Il y avait donc 1200 schizophrènes entendeurs de voix qui sont venus de toute l'Europe suivre des ateliers, etc. Et avec les psychiatres, qui dont certains d'ailleurs sont des gens qui sont devenus psychiatres, qui étaient des schizophrènes hospitalisés, c'est-à-dire qui sont sortis de la schizophrénie par ce type de cas, qui sont devenus des médecins pour pouvoir participer en tant que médecins à ces groupes et à ces ateliers de formation des autres. Vous avez là un mouvement absolument extraordinaire qui devrait faire paraître comme déjà périmé ces combats d'arrière-garde qu'on nous propose au nom de la clinique du sujet. Hein, vous voyez, la clinique du sujet, c'est déjà vieux. Vous voyez, c'est déjà un truc des années 2000. Mais on est tout à fait au-delà. C'est absolument ces histoires-là, faut défendre le sujet contre les ravages du néolibéralisme. Ça n'a même pas à être envisagé. C'est périmé avant même d'être né. Parce que ça néglige le point central, le point de réel qui est cette mutation des conditions dans lesquelles les individus s'articulent les uns aux autres. Et ça, c'est un vrai réel. Ça va modifier profondément, à mon avis, les organisations psychiques des individus. Et du coup, s'il doit y avoir de la psychanalyse, on a un besoin d'autant plus pressant des abstractions qui nous permettraient de penser les transformations dans cet espace nouveau, les transformations de la psychanalyse dans cet espace nouveau. Et c'est probablement pas en s'accrochant à des totems, n'est-ce pas, comme ça, le sujet, l'autre, l'idéal du moi, je sais pas quoi moi, hein, à des totems sans être profondément inquiet de leur recevabilité anthropologique et de la question de savoir si effectivement c'est avec ça que les poètes écrivent, par exemple, si c'est avec ça qu'on fait de la philosophie, si c'est avec ça qu'un juriste raisonne, parce que c'est ça le réel du trésor des signifiants et des agencements dans lesquels les choses se passent, parce que là, la question de la transformation de la psychanalyse est coextensive à celle de la société, et ça, c'est quelque chose qui est devant nous. Voilà, ce sera donc bon, ça c'est pour rire, hein, mais le reste, c'est effectivement ce que je vais essayer de faire cette année. Bon. Ce que vous disiez sur la question du solipsisme, de l'impossibilité de rapport à autrui, enfin, je pensais aux travaux de Cavell à partir des tragédies de Shakespeare. Est-ce que ce serait faire la même chose, mais par rapport à des choses qui seraient actuellement, on pourrait imaginer. Alors, ça, c'est un lecteur de Cavell, c'est un des premiers, et notamment de Must We Mean What We Say, qui vient d'être traduit en français par Sandra Lougier. Hein, je ne sais pas quel titre elle a donné, vous savez comment elle a traduit? Dire et vouloir dire, je crois. Dire et vouloir dire. Bon, Stanley Cavell, c'est certainement un de ceux qui a pensé le plus profondément cette question de l'individu et du scepticisme attaché à la condition humaine par le fait même de l'individualisme. Ce qui est la question de Cavell, c'est comment est-ce qu'on peut dire nous? Comment est-ce que je peux dire nous? Voilà. Et le thème de la le fil conducteur de Must We Mean What We Say, c'est que avec ce oui, un peu devons-nous vouloir dire ce que nous disons? C'est le oui, c'est le nous qui est essentiel là-dedans. C'est que ce n'est pas en allant scruter les intentions qu'il y a dans un individu que nous allons pouvoir savoir si nous pouvons dire la même chose les uns les autres. Et qu'on est obligé, d'une certaine manière, de passer à un ordre de ce qui se dit, de ce que nous disons, qui en même temps nous inquiète énormément, parce que est-ce que ce que nous disons, dans quel sens est-ce que moi je peux le dire? Voilà. Donc c'est très subtil, hein, très fin chez Cavell. Bon, c'est étroitement lié à sa lecture d'Austin et de Wittgenstein, mais c'est une des entrées les plus intéressantes dans ce domaine. Voilà. Alors, le livre est très beau, il est traduit en français. Il y a des essais particulièrement complexes sur Wittgenstein, mais aussi des essais plus généraux. C'est un des rares, il s'intéresse vraiment à Freud, Stanley Cavell. Donc je pense que oui, c'est un rapport, mais je ne vais pas l'utiliser beaucoup. Je trouve que ce que j'ai déjà dit est un petit peu trop riche, donc je ne vais pas en rajouter encore une série. Enfin, voilà, si vous lisez ce bouquin, c'est... Oui, non, je vous ai assommé, c'est ça? Il n'y a pas de place pour une question Est-ce que la jouissance veut dire quelque chose s'il n'y a que cela? Vous pourriez un peu élaborer? Non, mais c'était un peu, je pensais que c'est dans la psychose, si tout cet ensemble est en quelque sorte une sorte de jouissance à fenêtre ouverte et que tout d'un coup ce n'est plus ça parce qu'on a. On s'est mis à vivre avec, à parler avec ses voix, etc. Est-ce que ça va pas, est-ce qu'il n'y aura pas un retour d'un réel ailleurs? Je pense que de toute façon, ce qui paraît possible, là, quand on lit les récits de ces gens, de ces voiceovers, hein, qui sont accessibles, hein, voilà, si vous avez, vous pouvez taper sur Internet, hein, tout d'un coup, vous allez vous apercevoir qu'il y a des millions de pages sur les voiceovers, c'est qu'il y a plusieurs types de jouissance. Et que c'est peut-être là, d'ailleurs, où il y a des finesses qu'on peut prendre chez Lacan autour de la distinction entre la jouissance de l'autre, la jouissance autre, etc., la jouissance phallique. Il y a plusieurs types de jouissance. Et que, à mon avis, il y a une rustine moïque, hein, qui est importée par... dans les groupes, dans ces groupes, puisque ce sont des groupes, ça ne marche qu'en groupe, tous ces trucs-là. Il y a des constructions de groupes à l'intérieur desquelles sont produites des effets très singuliers qui permettent que, par exemple, je ne sais pas si c'est pas trop énigmatique de causer lacanien comme ça, une distinction soit faite entre jouissance autre et jouissance de l'autre, puisqu'on peut parler à la voix et qu'on peut justement, par le fait de l'écrire, le dialogue s'écrit. Dans ces techniques de groupe, que dit la voix, je le note, et j'écris la question que je pose à la voix. Je ne la pose pas mentalement, j'écris. C'est ça qu'on leur apprend. Hein. Il y a là des productions de dénivellation extrêmement subtiles dans le rapport à la jouissance hallucinatoire sur lequel ils ont mis la main et dont ils développent, sur lesquels ils développent un savoir-faire, un véritable savoir-faire. Donc, je ne vois pas pourquoi on irait dire que ça marche pas ou que c'est des lubies. Ni que, ou que c'est le chaos et que le réel va revenir de l'autre côté et que on sait ça depuis longtemps. Non, non, on ne le sait pas depuis longtemps. C'est nouveau, ça. Je n'ai jamais vu, peut-être que je n'ai pas tout lu, hein, mais j'ai jamais vu cette histoire décrire le dialogue des voix dans aucun texte psychiatrique classique. Comme une technique d'interlocution et de construction d'un rapport de négociation avec l'altérité xénopathique dans la psychose. Je ne l'ai jamais vu, c'est une invention, ça. En quel sens ça peut faire symptôme? Pas, pourquoi pas? Et d'autre part, est-ce que nos concepts sont suffisamment pertinents pour rendre compte de ce rapport nouveau à la jouissance qui est en train de s'organiser? Totalement en dehors de la psychiatrie et de la psychanalyse. Parce que le seul, à ma connaissance, qui dise quelque chose dans ce genre, c'est Bion. C'est Bion qui reprend une vieille définition de la guérison chez Freud, une définition pré-psychanalytique quasiment, où il dit, puisque Bion, comme vous savez, n'est pas, c'est l'un des seuls qui se soit attaqué à la schizophrénie, hein, c'est que c'est pas tellement qu'on va supprimer le symptôme. C'est qu'on va permettre une telle croissance psychique par l'analyse à la personne que le poids relatif du symptôme par rapport à ce qu'elle est capable de faire va devenir plus petit. Et que donc la vie sera plus supportable. C'est ça l'idée de guérison de la psychose, c'est qu'on n'élimine pas le symptôme, on le relativise par rapport à tout ce dont on a permis la croissance et qui était coincée par une référence trop exclusivement centrée sur la souffrance du symptôme psychotique. Vous en avez parlé, je pense, d'un patient où vous teniez comme ça une roue de cette propre. Oui. J'ai expliqué oui, ce que ça veut dire concrètement quand on conduit des cures de schizophrène. Oui. Enfin, c'est pas des cures, justement, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est des. La participation assez modeste à un lent rétablissement. Voilà. C'est aussi étroitement lié à un fait qui a été nié, notamment dans la psychiatrie française, mais qui est une banalité dès que vous passez la frontière, c'est que la schizophrénie, je vous rappelle, est une maladie dont on guérit. Hein. Il n'y a qu'en France qu'on croit que schizophrène un jour, schizophrène toujours. Hein. 50% des gens, au bout de 30 ans, n'ont plus les symptômes de premier rang de Schreber. Et 25% des gens ont des symptômes abaissés qui leur permettent de vivre. Ce qu'on voit dans les hôpitaux psychiatriques, et pour ça il a fallu l'épidémiologie qui était possible à partir des années 80 avec les registres de mortalité, les suivis des individus. Ce qu'on voit, c'est les 25% qui restent, c'est-à-dire les 10% de gens qui se tuent ou bien qui meurent de maladies somatiques incompréhensibles, hein, puisque c'est, vous savez, la schizophrénie, il y a des décès pour des causes somatiques bizarres, hein, qui sont largement répertoriés dans la littérature, et puis les 15% de gens qui sont chronicisés à vie dans des asiles et qui n'en bougeront jamais. Et donc à partir du moment où on s'est aperçu que la schizophrénie était une maladie qui était horrible pendant 15, 20 ans, 25 ans, mais dont on sortait au bout de 20, 25, 30 ans, hein, au point d'avoir une vie diminuée, une vie avec ce qu'on appelle des cicatrices de la psychose, avec une vie parfaitement admissible, vivable et qui ne suppose que de l'aide sociale et pas une aide médicale, ça a totalement perturbé l'organisation des soins, hein, dans les pays anglo-saxons, dans la plupart des États américains, en Angleterre, etc. C'est vrai. Et en France, ça va tout doucement venir, hein, ça, parce qu'on ne peut pas enfermer la porte à ce fait. En plus, les psychanalystes sont très bien placés pour savoir que quand vous suivez quelqu'un en analyse un schizophrène pendant 20 ans, je suis assez vieux pour avoir fait ça maintenant, c'est pas vrai. Les gens, ils s'améliorent de façon stupéfiante. Des gens qui sont arrivés, hospitalisés, pimpon, CPOA, etc., hein, et qui ont fait des années d'hôpital, ils arrivent à vivoter et même à vivre d'une façon absolument étonnante. Pas en leur faisant n'importe quoi. Pas en les abandonnant, pas non plus en les réduisant à du gibier de psychiatres dans des services dépersonnalisants, mais en faisant certainement un certain nombre de choses. Donc cette idée d'empowerment, cette idée de prise de contrôle sur les très grandes maladies psychotiques au long terme, elle a un vrai sens. Et on ne pourra pas, éternellement faire comme si ça n'existait pas ou si c'était des inventions des Américains. Les patients ne se laisseront pas faire. Justement, est-ce que par rapport à les entendeurs de voix, par exemple, est-ce que leur construction, ce qui les amène à transformer leur lien, leur rapport avec leur soi-disant maladie, est-ce que les théories psychiatriques, psychanalytiques ont un rôle là-dedans? Est-ce que c'est contre? Aucun. C'est Alors, psychiatrique, c'est totalement contre. Pour eux, c'est le modèle médical. Donc, les seuls psychiatres qu'ils admettent, c'est des anciens schizophrènes ou bien des gens qu'ils ont convertis. Alors, parce que là, vous savez, dans ces systèmes de 12 steps, n'est-ce pas, c'est une transformation subjective qui est demandée aussi bien de celui qui vient intervenir comme l'aidant. Hein, c'est pas simplement les gens qui sont des alcooliques, c'est ceux qui viennent les aider, qui doivent participer eux-mêmes à la transformation intégrale, y compris finalement spirituelle, des étapes des choses. Donc c'est complètement démédicalisé, sauf pour des appoints qui sont purement accessoires. Hein, même le rapport aux médicaments est très particulier. Quant à la psychanalyse, elle risque pas, vu la façon dont elle se construit sous nos yeux et dont elle se perpétue avec ces histoires de clinique du sujet, hein, de pouvoir monter dans ce train-là. Hein. Et même, je suis en train de le voir passer sans se rendre compte qu'elle s'enterre elle-même définitivement dans une conception aberrante du sujet avec un S majuscule, parce que ces gens-là, ils s'en foutent totalement. C'est pas leur univers signifiant. C'est même contre, même en, pour pouvoir justement s'appuyer sur ça pour produire autre chose. Oui, je vous en parle pour que ça ne soit pas. Je vous en parle pour que vous vous renseigniez. Hein. Je vous en parle pour que vous alliez voir. Papa, je ne dis pas que c'est définitivement fichu, mais en tout cas, ça suppose une sacrée réélaboration. Sacrée. Quand l'histoire de la guérison des schizophrènes, c'est un truc qui est connu depuis les années 70. Ça, moi, je n'ai jamais compris pourquoi. Alors, je m'étais toujours demandé pourquoi en France les gens ne savaient pas. Il y a un truc très. Oui, enfin, toi, tu le sais, Corinne. Les gens ne savent pas, souvent, même dans un service, les gens ne savent pas. C'est Manfred Bleuler, le fils de Eugen Bleuler, qui s'est dit « Ah, c'est marrant, toutes les histoires qu'on a fabriquées sur la schizophrénie, la plupart invoquent plus ou moins des cas de mon père dans le groupe des schizophrènes. Que sont-ils devenus ?» Il s'aperçoit que 30 ans après, les patients de son père sont bouchés, ils sont charcutés, ils sont curés, ils sont moines, ils sont jardiniers, etc. Ils vivent sans symptômes. Les gens sur lesquels le type même de la schizophrénie hallucinatoire, désorganisée, etc., a été fabriqué, 30 ans après, la moitié vont étonnamment bien. Il écrit son bouquin, le livre est traduit en anglais. Aucune maison d'édition française n'a accepté de traduire le livre de Manfred Bleuler. Ça a été considéré par les gens de la société médico-psychologique comme une invention, un canular, une aberration, dont nous savions, nous, il suffisait d'aller dans nos hôpitaux, que les schizophrènes, ça ne guérit pas. Effectivement, ce que disait Manfred Bleuler, c'est que ça ne guérit pas quand ça va à l'hôpital. Non, mais sinon, c'est tautologique. C'est que schizophrène, si ça ne guérit pas. Ou le schizophrène, la définition du schizophrène est de ne pas guérir, donc il ne peut pas, s'il a guéri, ou c'est qu'il ne l'était pas vraiment. Voilà, c'est que ce n'était pas un schizophrène. Alors je ne sais pas si cet argument, je ne l'ai pas vu cet argument-là, j'ai vu un argument plus empirique. Hein, c'était de dire que ça montrait simplement l'effroyable déclin de la compétence clinique des Allemands quand ils s'occupaient de leurs malades. En revanche, en anglais, ça a eu un effet énorme. Sur tout le mouvement du recovery, sur. Voilà. Pourquoi il s'appelait ce psychiatre qui a écrit la médicalisation existentielle, qui était à Caen, qui est mort, Tarifian. Qui avait raconté qu'une schizophrène de son service, elle l'avait pris chez lui pour s'occuper de la maison. Elle est sortie de sa schizophrénie gentiment après 30 ans de bruit de service. Avec la médaille du travail. Mais pour vous dire un peu le caractère désespéré de la chose, il se trouve que j'ai fait venir dans un groupe comme ça Larry Davidson, Paul Lizaker, etc., à l'école normale supérieure, les papes du recovery movement, etc. Il n'y avait dans la salle pas un seul chef de service. Or, j'ai écrit personnellement à 30 chefs de service. Pour leur dire, vous savez, il y a là un truc aux États-Unis, ils s'occupent de façon très originale, des psychotiques, etc. Pas un seul. C'est quand même extraordinaire. Alors que c'est franchement, je veux dire, ça pourrait arriver à la famille dans n'importe laquelle de nos familles. Dire ces personnes, pourquoi là? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas un tout petit peu plus. Parce que c'est des Américains, parce que c'est le DSM, enfin n'importe quoi. C'est pas du tout le DSM. La pratique effective des psychiatres américains éclairés, si vous lisez non pas l'American Journal of Psychiatry, mais Psychiatric Services, par exemple, qui est ce que lisent, ce n'est que ça. C'est comment permettre aux patients de s'organiser entre eux, d'améliorer leurs conditions, de ne pas les déposséder l'auto-évaluation constante de leur niveau de maladie, de leurs besoins de soins. Et d'exploiter toutes les possibilités des contrats de travail, des contrats de logement. C'est possible dans le droit américain, c'est très étroitement lié à leur société, hein, pour qu'ils améliorent leur vie. Donc c'est pour ça que je pense que le lieu stratégique, vraiment, où là il y a à réfléchir, mais substantiellement, c'est ces transformations de l'individualisme, comme étant tellement puissantes qu'elles peuvent aller même jusqu'à transformer ce qui paraissait inviolable, c'est-à-dire le caractère structurel de la subjectivité humaine, avec des majuscules partout, hein, parce que c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. C'est pas qu'il n'y a pas de voix, hein. C'est qu'il y a des manières de faire dont nous n'imaginons pas ce que les gens peuvent construire avec comme forme d'organisation de régulation. Donc à quoi reconnaît-on une psychose ? C'est une question auquel je ne suis pas sûr qui se posera toujours. C'est pour ça que je voulais la poser, parce qu'il me semble que c'est la dernière année. Voilà, allez, on va se coucher.